frère, avec un camion plein de son. Une bande d'anards prêt à tout dégommer. Du son bien crade, parce que ça fait plaisir. Attention garçon, ça fait péter un plomb. Ça fait de la musique, ça fume des gros joints. Dans un champ, ça fait rien, on bouge sur le son. Ce n'est qu'une hérésie, où t'es pas la liberté. On vient casser les pieds avec ce putain de synthé. Voici mon testament, j'ai rien, t'auras rien. Voici ce son, c'est tout ce que je laisse. Tout est comme la France, tout est le, les flics, tout est comme et le hate, tout est comme. Qu'est-ce que tu comme la France, tout est le, les flics, tout est comme et le hate, tout est comme. Qu'est-ce que tu comme la France, tout est le, les flics, tout est comme et le hate, tout est comme. Qu'est-ce que tu comme la France, tout est le, les flics, tout est comme et le hate, tout est comme. Qu'est-ce que tu comme la France, tout est le, les flics, tout est comme et le hate, tout est comme. Qu'est-ce que tu comme la France, tout est le, les flics, tout est comme et le hate, tout est comme. Qu'est-ce que tu comme la France, tout est le, les flics, tout est comme et le hate, tout est comme. Dose de nicotine, on écrit sur des pailles slim, on dégomme la nicotine. Je me balade avec la dose dans le baladeur, c'est elle le badeur, créma le mateur de débardeur. Je me la pète avec mon art, y'a que ça que je sais faire. Le reste a tué Silver, les WC sont tout juste nettoyés. Je me fais un plaisir de pousser sur la cuvette, je suis pour l'égalité sexe, ma brunette, faut pas me côtoyer. Couteau shit broyé, on baille, en snow débraille, on vient brailler. Monnaie, y'a moyen de monnayer ou t'es fouraillé. Pour ne pas paraître ridicule en société, pour pouvoir enculer des tas fait, faut leur cracher dessus, alors je préfère le respect. Quitte à finir, quitter cocu pour la notoriété. Contorsionner, combo torsé, s'imposer, écraser l'autre jusqu'à ce que ta mère en soit morte. À moins que j'arrive et te cogne, la rime de gnome, j'arrive et te mets en rogne. Ton lifting se renfogne, rien que j'arrive et te dégomme. Moi, la rime de gnome, j'arrive et te mets en rogne. Ton lifting se renfogne, j'arrive et te dégomme. La reine du gnome, j'arrive te mets en run, ton lifting se renfonne, hein, j'arrive et te dégomme. La reine du gnome, j'arrive te mets en run, ton lifting se renfonne, hein, j'arrive te dégomme. Façon de communiquer, ma nouvelle façon de niquer pour qu'on s'en va défroyer. C'est parti pour croquer les grands-mères et grailler de l'être humain. Ce sont plus hume la forêt en faveur des jaloux et des putains. Et mec, fais gaffe, on est bien plus d'un bande-bande de pèlerins. Avec moi, les filles se sentent trop connes parce qu'on me laisse tranquille. Je m'y tonne, je suis peut-être débile. Mais surtout pas à faune, personne ne me vaut, et je ne vaux personne. J'allume mes clopes avec ma casquette, toi t'es déjà morte, et moi bien net. Écoute ces notes, c'est déjà la fête. Mon micro est tuné, mais nous sur cassette. À toutes les bonnes, fausses rebelles, de narcone victime, digne d'un Marvel. Bidon d'essence, j'allume la muvière comme marbre. Raglave ma rame, ce sont pour rame, type au cave, et vive la mort, yeah. Oh, oh, oh.